minutes qu'il y a pas. Non, il est 11h sur France Inter. Bisous. Le Flash, Laetitia Gaillet. Au procès des émeutes de Moirans à l'automne 2015, le vice-procureur a requis ce matin des peines allant de 6 mois de prison avec sursis à 14 mois ferme à l'encontre des 12 prévenus. Cette ville de Moirans dans l'Isère a vécu un état de siège. Le visage de Marianne ce jour-là a été bafoué et sali, a dit Michel Coste, le vice-procureur devant le tribunal correctionnel de Grenoble. La garde à vue de 5 des 8 personnes interpellées cette semaine dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de Nice a été prolongée. Les 3 autres ont été relâchées. Mais tous étaient en relation avec l'auteur de l'attentat, Mohamed Laouej Boulel. L'ambassadeur de Belgique au rapport au ministère de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, l'a convoqué pour lui demander des explications après l'interpellation dans le nord de policiers belges au volant d'un camion dans lequel se trouvaient des migrants. L'interpellation en question a eu lieu mardi soir à Nieppe. 13 migrants se trouvaient à l'intérieur du camion. Tous ont été emmenés au commissariat pour être entendus et ont été relâchés. À l'étranger, la nuit a été longue du côté d'Alep en Syrie. Les quartiers rebelles ont été bombardés par les forces du régime. Les rebelles formés d'une coalition de djihadistes accusent le régime de Bachar el-Assad et la Russie d'avoir utilisé des bombes incendiaires. Ils ont répondu par des tirs de mortier sur les quartiers pro-gouvernementaux. Son travail en tant que commissaire européen à la concurrence était de surveiller le monde des affaires. Mais Neelie Kroes a été rattrapée par ce que l'on appelle aujourd'hui l'affaire des Bahamas Leaks. Le Monde et les médias partenaires du consortium international des journalistes d'investigation ont eu accès à des documents confidentiels et on y apprend donc que l'ancienne commissaire européenne à la concurrence a été directrice d'une société aux Bahamas pendant son mandat, une société offshore, et ce au mépris des règles européennes, car elle aurait dû la déclarer, cette société, aux autorités bruxelloises à son entrée en poste. Neelie Kroes affirmait pourtant avoir abandonné tous ses mandats avant son entrée à la commission. Elle reconnaît toutefois aujourd'hui avoir été officiellement en infraction et elle assume les responsabilités. Neelie Kroes occupe actuellement les fonctions de conseillère auprès de Bank of America et d'Uber. À chacun sa primaire chez les Républicains. La déception pour Hervé Mariton après l'invalidation de sa candidature hier par la Haute Autorité des primaires. C'est un choc, dit l'intéressé aujourd'hui. C'est cruel, mais il ne formera pas de recours. Pour Alain Juppé, c'est tout bon, mais c'est la teneur des débats qui lui le déçoit. Sur Twitter, le favori des sondages a dénoncé ce matin la nullité du débat politique en France et il vise par là son rival Nicolas Sarkozy après sa sortie sur les Gaulois. Dès qu'on devient français, on devient gaulois, avait dit l'ancien président. Et si on parlait d'avenir, écrit le maire de Bordeaux. Enfin, Depardieu ou son amour perdu de la France, suite dans un entretien publié ce matin par le Corriere della Sera. L'acteur français a critiqué la France qui risque de devenir un Disneyland pour les étrangers, je cite, peuplé d'imbéciles qui font du vin et du fromage qui pue pour les touristes. Il n'y a plus de liberté en France, dit-il. Les gens sont manipulés. On est bien d'accord. Vous écoutez France Inter, il est 11h03. Tous les samedis matins sur France Inter. Okay. À partir de 10h, on aura tout vu, le magazine de cinéma de France Inter. Christine Masson. Drôle d'endroit pour une rencontre, une actrice française, un réalisateur italien. Dédicamo a richiesta. Pour deux films aux antipodes. Foco a mari. Et pourquoi pas, Laurent Delmas. Invité Juliette Binoche pour la ressortie de Mauvais Sang et Gianfranco Rosi pour son film Foco a mari, Ours d'or à Berlin. We will send rescue. On aura tout vu, le samedi matin sur France Inter. À partir de 10h. Disponible aussi à la réécoute. Et en podcast sur franceinter.fr. À samedi. Et lui, il n'est manipulé par personne, c'est Nagui. Ça, si vous savez. C'est ce qu'on dit. On n'a pas vu le même film. C'est incroyable ce qui se passe chez vous. Et vous n'avez pas tout vu. Retour de l'info tout à l'heure à midi. Je ne regrette rien, vous savez. Voilà. Merci ça, Laetitia Gaillet. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est d'abord au final, soyez bienvenus avec Leïla Kadour-Boudali. Mais bonjour. Alissa Muller. Elle est enrhumée. Oui, moi aussi, je suis un combat. Daniel, bonjour. Albert Algout. Richard Lomac, tout à l'heure en live. Il y aura Gérard de Palmas. Je m'excuse pour cette voix pourrie. Normalement, elle est pourrie tous les jours, mais là, elle est. Je m'en rends compte. Non, c'est sexy, Nagui. C'est pourri. Ça plaît aux dames. Et voici. Et au monsieur. C'est italien. Bonjour Alissa Muller. Nagui, les clopes, ça se fume, ça se mange pas. Daniel Herrero et Daniel Piccoli. Oh, Merci les garçons, merci messieurs de venir nous parler des mots que vous aimez, des mots que j'aime. Les mots que j'aime. Ça va être long pour Nagui. En 10 mots, commençant, c'est dans la série Le goût des mots. Bah tiens, Daniel Morin. Oui. Non, avant de te faire parler, je vais demander à. Père Albert. Oui. Je suis là, vous hésitiez. De nous expliquer, je vous ai pas reconnu. Pas connu ce slip de bure. C'est ça. La raison pour laquelle nous avons invité Daniel Herrero et Daniel Picouli. Eh bien, j'ai compris pourquoi nous avons invité Daniel Herrero et Daniel Picouli. Je l'ai d'autant mieux compris, mon cher Nagui, que je partage leur fascination pour les mots. Vous savez, dans la Bible, on dit au commencement était le Verbe. Hein? Mais avant d'en venir à leur ouvrage commun, les mots que j'aime, je tiens à me réjouir d'avoir à cette table trois Daniels. Ah, c'est vrai. Trois Daniels. Une occasion de rappeler que Saint Daniel est le saint patron de la femme qui se retrouve éloignée, c'est vrai, de son mari, parce qu'elle est en vacances ou mariée à un écrivain toujours en dédicace, un rugbyman de haut niveau ou un animateur télé sur Booking qui rentrait très tard chez lui. Daniel est le saint patron qu'elle doit invoquer quand elle craint de succomber à l'adultère. Ouais. Je vous en supplie, vénérable Daniel, écartez de moi le démon qui voudrait me faire tomber dans le vice et qui m'entraînerait par inadvertance. J'aime bien cette expression, parce que ça, c'est dans un texte religieux. Par inadvertance, crac, à commettre des actions qui chagrineraient le bon époux à qui je tiens à rester fidèle. Mais revenons aux mots que j'aime, en l'occurrence, ce que tu aimes, Daniel. Mmh. Et toi aussi, Daniel. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, Daniel Herrero, ce que tu relates au mot « entraide ». Page 153, je te cite. « Plaqué au sol sèchement, alors que j'essayais... de me faufiler dans une défense qui me laissait aucune place, la joue écrasée sur l'herbe, on a l'image, une montagne de viande sur les os, là ça se précise, celui qui m'a attrapé me plante son genou dans les côtes, il respire très fort et j'ai le souffle coupé, son collègue me prend pour un paillasson et essuie ses chaussures sur mes rognons. Ah, c'est bon de lire des choses pareilles, quel bon livre. Mais le mot que tu aimes, il y en a encore. C'était l'échauffement, mais je... C'est trop mignon, c'est mignon. Au mot mêlé, tu remets ça. Il suffirait, je te cite, page 157, il suffirait que leurs bras se resserrent pour qu'ils pétrissent et malaxent ceux qui se présentent devant eux. Mais le mot que tu aimes, qui m'a le plus ému, Daniel Herrero, c'est le mot vestiaire. Page... Oui, c'est page 162, je te cite encore. Les voici dans leur nudité, costume originel, simple, nu, déjà hors du monde des communs. Ils doivent muter, devenir joueurs. Surgissent alors des coffres, les crèmes magiques, blanches, brunes, grosses, chargées des fleuves que l'on utilise avec parcimonie ou dont on abuse. Oh, ça aussi, c'est bon. Ça me rappelle ma camionnette. Après les matchs de mes scouts. Les matchs entre poussins. Oh, après ça, oui, c'est pas beau, non. Les cadets. C'est pas beau, non. Les juniors. Non, oui, après, c'est pas beau, dit encore. Après ça, je vous avoue que les mots que de ton côté tu aimes, Daniel Picouli, m'ont semblé beaucoup plus, comment dire, innocents. Tels Olibrius, Poubelle, Batiscoff, Tulipe ou Clafoutis. Et je ne te parle pas d'un autre mot, non. Non, je t'en parle pas. Ah, mais si, allez, je t'en parle quand même. Enfin, c'est comme vous voulez. J'en parle oui, ou pas oui, allez-y. Oui. Lequel J'ai du mal à le prononcer. C'est le mot fille. Qui désigne ces créatures de Satan, ces boules de vis tentatrices, ces fendues infernales, qui n'ont pour moi rien de très alléchant. Enfin, pour en terminer, quand tu parles de café au lait, certes, tu as raison, Daniel. Picouli, d'exalter cette boisson qui enchanta ton enfance, surtout celui préparé, je me souviens, avec du Mocarex, avec les petites figurines. Oui, je m'en ai offert une un jour après une émission. Mais tu aurais pu avoir l'honnêteté de dire que le café au lait confère à celui qui s'en désaltère une haleine de chien de chasse ou de varan du Komodo. D'ailleurs, Nagui, juste avant l'émission, après avoir échangé quelques mots avec toi, Daniel, s'est tourné vers moi et m'a glissé à l'oreille. « Waouh, dis donc, Picouli, il s'est lavé les dents avec mon slip ou quoi ?» Voilà, je vous souhaite une bonne émission. Mais ça va pas. La boule originale, Nagui sur France Inter. Il a tout compris. Il a clairement compris, mais les mots choisis et les citations sont vrais, mm-hmm. Daniel. Herrero, tout ce qu'il a dit sur les vestiaires, sur les crèmes, vous l'avez écrit. Je crois que les crèmes, ça, j'ai fait une demi-ligne, mais les villes, on a fait non, le sujet central, non, non, samedi. Non, oui, on a ressenti tout au moins. Mais oui, mais c'est exactement ça. Les crèmes dont on abuse. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? N'en choisir que 10 ou faire le tri et détailler 10 mots ? C'est dur de tout résumer à 10 mots. Oui, sans aucun doute, on te demande ou on te sollicite ou on t'impulse ou on te caresse l'âme pour essayer d'aller voir au fond de toi-même s'il y a quelques mots de base comme ça qui pourraient te faire chanter chaque jour. Voilà, et bon, je fais partie sans doute de ceux qui ont avec les mots un chemin affectueux depuis longtemps, mais en choisir 10, il y avait le risque que ce soit ce que j'aime le plus par définition et par nature, et que ce soit dans un univers que j'aime le plus et par définition et par nature. Donc j'étais un peu craintif d'aller dans le monde de l'eau comme un bourricot absolu, ce qui ferait que Daniel, que Albert Algout pourrait un peu me ressemeler sur des angles de lecture. Il y a l'Ovalie aussi. Et justement, c'est pas anodin de choisir 10 mots, c'est un exercice. Alors au-delà du choix, c'est aussi une façon de se mettre à nu, j'imagine. Ces 10 mots vont vous représenter, Daniel Picouli. Non, mais justement, si on se mettait à nu, là, justement, autour de la table, si vous aviez un mot, un seul, on va faire un petit tour de table, à choisir qui vous représente, dont vous aimeriez parler, écrire, ce serait quoi ? Bah, ça dépend du jour. Hein. Mais faut choisir. Bah, nous, on a choisi. Hein. Là, maintenant, moi, j'irai. C'est basique. Hein. Respect. Je trouve que c'est le mot dans l'éducation, dans le relationnel professionnel, dans la politique, dans la société. C'est le mot qui manque. C'est juste. Ouais. Voilà. Mais ça marche à tous les niveaux. Hein. Ouais. Moi, je pensais chat dans la gorge, mais bon. Ouais. Moi, c'est flibustier. Parce que je connaissais pas ce mot-là avant, il y a deux semaines. On avait capté un cœur. Moi, quand je te regarde, c'est transparence. Mais oh, Nagui, c'est totalement transparence que t'as mis. Fait chaud. C'est transparent. Il y a eu respect et transparence. Ouais, t'as eu respect. Moi, Daniel, je prendrais le mot volute. Parce que j'ai toujours trouvé que ce mot était. Rime avec. Surtout pas ce qu'il veut. Alors quand on essaye de mettre en place un peu de poésie, là, il y a plus personne. Alors volute, pourquoi ? Parce que je trouve que l'image est merveilleuse, qu'il y a quelque chose d'érotique, de voluptueux, de. Je pense à la pipe. Quelque chose qui t'embrasse, quelque chose qui t'embrasse, voilà, qui t'enrobe. Et Daniel, continuons en poésie. Daniel Morin, mitosile. C'est quoi ? C'est une MST ? C'est comme un flibustier. Qui aurait mal tourné. Qui a vécu des aventures. Le flibustier, c'est un libre butineur, tu sais ça. Ouais. Hein. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais, le vrai. Alors, Daniel Herrero, vous dites les mots que vous aimez sont ceux qui ont un sein ou un con. Ouais. Mmh. Sein comme sympathie, con comme compagnon. Vous aimez les mots qui commencent par ces syllabes. C'est un clin d'œil à la fois. Tu vois, à la sans aucun doute, mais le mot de sein, il a toute sa dimension érotique, il a sa dimension sacrée. Et le mot de con, il a toute sa dimension à la fois stupide et régressive, pour ne pas dire infantile. Et de fait, sein, c'est des choses qui vont créer du lien, et con, c'est des choses qui vont créer du lien en permanence et toujours. Mais les mots qui commencent par con sont plus positifs que con tout seul. Conseil, compagnon. Non, mais je veux dire, il y a. Conquistador. Mais non. Ouais, mais coopérant et copain, compagnon et camarade. Ah, mais ça, c'est. Con, c'est avec. Concupiscence en latin. Ouais, c'est con, c'est cum, et cum, c'est avec. Ouais. Et avec, c'est toujours ensemble. Et moi, la dynamique, c'est que les mots qui me stimulent, qui me donnent le goût, comme ça, de les faire démarrer, c'est toujours des mots qui me mettent en relation avec le monde. Alors, c'est un peu étrange, un peu équivoque, ça pourrait être même libidinalement suspect, comme dirait Albert, mais de fait, tu vois, c'est autour de ces mots-là que j'ai affection. Daniel Picouli, vous êtes allé plus dans l'analytique, j'ai envie de dire, parce que Café au lait, démarré par Café au lait, vous avez fait un côté historique, royalement historique, totalement analytique. Oui, non, c'est-à-dire, on parle de Louis XIV, de cette boisson-là, pour arriver à ce que je faisais quand j'étais gosse le matin, c'est-à-dire que moi j'ai un père martiniquais, café. Et j'ai une mère morvandiante, le lait. Normal. Normal, quoi, blanche. Gauloise. Gauloise. Gauloise. Bien roulé. Et dans le bol, chaque matin, je mélangeais le lait et le café de façon à ce que ça ait la même couleur que ma peau. Et je disais que quand je partais le matin et que j'avais réussi ça, il ne pouvait rien m'arriver. Sauf en dictée. Bon, voilà. J'ai tout dit, parce que le café au lait ne protège pas des fautes d'orthographe, je dis à ceux qui sont concernés par le sujet. Donc c'est mes matins de gosse et c'est mon espèce de muraille magique. Moi, je portais une armure. Quoi. Ouais. Je portais une armure quand j'avais café au lait. Et contre ça, on ne pouvait rien. Et on ne peut toujours rien contre ça. Vous voyez ce que c'est, café au lait, comme odeur, comme bien. Couleur Vous voyez à peu près? Très bien, ouais. comme odeur aussi. Ouais, voilà. Mais pas, c'est pas celle de la brosse à dents. Dans le livre, il y a Pierre Arditi, ouais. Jeanne Chéral, Jean-Loup Chifflé, Agnès de Sarthe, Philippe Guiluc, François Morel, Véronique Ovaldé, Alain Rey et nos invités Daniel Herrero et Daniel Picouli. Daniel Morin, peux-tu lire l'encadré signé Philippe Delerme, qui a eu l'idée de ce livre Les mots que j'aime. Pour leur sens, leur sonorité et le plus souvent pour le rapport de la musique avec l'idée, de la cadence avec l'imaginaire, les mots que j'aime, pour le pouvoir qu'ils ont sur moi et pour l'écho que je leur donne, les mots qui touchent, ceux qui font sourire. Et ceux que je déteste, quelquefois, des personnalités reconnues pour leur amour de la langue, livrent ici beaucoup de leur être le plus secret en voyageant en toute liberté avec les mots qui leur ressemblent. C'est beau quand on a une belle voix. Vous ne m'avez pas dit s'il y avait des mots que vous aviez mis puis retirés, si vous aviez cherché le dixième mot ou quel était le onzième qu'il fallait retirer. C'était compliqué comme exercice ou pas? Ah, sans aucun doute, parce que quand même dans l'estime que le mot que tu lui portes, il peut y avoir sa tonalité, sa sonorité, tu vois. Et il y a des mots que moi je trouve vraiment très beaux, tu vois. Atahualpa, je trouve ça très beau. Kavango, j'adore, tu vois. Et Kilimanjaro, ça me mélange. Mais bon, ce sont des noms propres. Mais Batiscaf peut-être. Mais après, Olibrius. Olibrius, ouais. Mais je leur mets pas de sens turbulent, effervescent. J'aime les mots, moi, quand chaque fois que je leur souffle dessus, il me semble qu'ils me font faire un voyage, quoi. Oh, qu'est-ce que vous êtes bien, Daniel. Et Piccoli, c'était dur comme exercice. Et Daniel, il sent le pâté, peut-être. Ça n'a pas été dur, puisque au contraire, ça m'a donné envie de continuer. Moi, je pense que chacun pourrait faire notre autobiographie avec les mots. C'est-à-dire avoir une succession de mots qui, dans notre histoire, dans nos âges, fait que ça nous raconte aussi bien que un roman ou un récit. Moi, je trouve qu'on comme pourrait faire. Comme une musique. Oui, comme pas. Faisons liaison, le mot liaison par exemple, comme une musique. C'est-à-dire que, non mais cette idée de musique, c'est l'idée que ces mots-là, ils nous reviennent comme les chansons qu'on aime parfois. Ça. Il y a des mots qui nous reviennent dans la journée ou selon les humeurs que l'on a. Et c'est vrai que ça joue le même rôle. C'est-à-dire que tout à coup, on part. Il y a, je crois, c'est Delerme qui parle de Proust à un moment dans sa préface pour dire que qu'est-ce que c'est Proust, qu'on peut partir sur un mot, sur une évocation, sur une madeleine, dont je dois dire à tout le monde pour vous décevoir. Ce n'était pas une madeleine. Que c'était une biscotte. C'était une biscotte, absolument. Je vous le dis parce que des fois... Ouais, il y a un malentendu. Oui, je sais, ça attriste. Ça c'est attriste en général. Ça parle moins, la biscotte de Proust. C'est-à-dire que... C'est drôle. Quelle est votre biscotte? C'est dur à borrer, il a dit. Donc, tu as absolument raison sur l'idée de musique et sur l'idée que ces mots même peuvent revenir comme des musiques sans qu'on s'y attende. Comme un verre musical. Et qui donc nous mettent dans l'humeur de ce mot-là. Alors justement, quelle humeur est-il vous, Leïla, quand on vous annonçait la venue de Daniel Herrero et Denis Picouli? Immédiatement, Daniel Herrero, absolument, comme une folle. Daniel Herrero, je vous entends tout d'un coup, vous, le seul homme qui sait faire rimer Ovalie avec euphorie, poésie, esprit. Il y a une dimension d'esthétique dans le brouillard de l'hiver. Là, nous sommes dans un bois, il se dégage beaucoup d'humidité, des corps. Il y a quand même dans les corps boueux, je dirais, des choses belles. Hein. Les hommes parlent, les hommes souffrent en même temps. Quoi. Les hommes sont habitués à dominer nos souffrances. Et tu vois dans leurs yeux à la fois de la souffrance et à la fois du plaisir d'une chose bien faite. Ils se parlent, ils se stimulent souvent par les regards, par les attitudes, par les pressions corporelles. Il peut y avoir comme ça, dans cet agglomérat d'hommes un peu dans le tas, un peu archaïque, des comportements un peu rustiques. Il peut y avoir quand même une noblesse, une belle générosité, une belle, solidarité dans l'affrontement. Voilà, vous savez Daniel, si on parlait du football comme ça, je serais tous les week-ends au stade. C'est pas possible. Je pense qu'on pourrait, mais il faut trouver ce poète là inspiré par les muses. C'est pas le même esprit. Qui pourrait tout d'un coup insuffler dans notre esprit quelque chose de magique associé au sport. Et quand je pense pense à vous, Daniel Picouli, je pense à vos livres, et je pense... Je suis pas d'accord. Mais moi, je suis d'accord avec moi. Mais le foot n'a pas du tout l'esprit du rugby. Mais sauf que c'est une façon de raconter. Il n'y a pas de mauvais sujet, il y a juste le bon conteur, Daniel Herrero. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le foot, tu peux être individuel. Daniel, soyez d'accord avec moi. Non, je suis très sensible au fait que le jeu de rugby porte comme ça toute une effervescence morale, affective, tu vois. Et que nos amis footballeurs me semblent souffrir bizarrement quand même d'une espèce d'anathème. Ils seraient un peu bourricots, l'analyse serait rustique. Et les comportements relationnels seraient plutôt vers l'égoïsme. Honnêtement, ça mérite. Je pense qu'il peut y avoir. Peut-être que les mots peuvent penser. Je pense ça. Que le jeu est poétique et que les hommes qui le jouent le sont pas forcément. Donc c'est pas un problème de sport, c'est un problème de pratique. Les yeux dans les bleus, là, au monde 98, ça vous a rien fait, vous si, c'est, ouais, ça, ça a pas ressemblé à ça si. C'est, donc si, c'est bien, c'est ça prouve bien que c'est une façon de raconter. Quoi. Sauf que si on avait perdu, ça aurait pas fait la même chose. Il n'y a pas que la victoire qui est belle. On se rappelle de défaites en Espagne, en 86, tout ça, qui sont très belles. On se rappelle de Batiston. On a pleuré. Et on a pleuré, Batiston. Donc il y a des épopées partout, il suffit Merci de savoir Daniel. Les raconter, c'est tout. Absolument. Allez, et quand vas-y. Je pense à vous, Daniel Picouli, je pense à vos livres. Parce que Piccoli, on y a souvent. Oui, c'est vrai. Ça, je pense à vos livres, et notamment, Daniel, à la nuit de Lampedusa, où vous veillez à coloriser un peu l'histoire, à rappeler que le métissage n'est pas d'hier et que les Gaulois n'ont pas toujours été de la partie. Et voilà pourquoi votre choix du mot « café au lait » me fait plaisir, parce que, enfant, je l'ai entendu à maintes reprises. Quand j'étais un gamin, mon père me racontait l'histoire de France en couleur, c'est-à-dire qu'il me parlait de Saint-Georges, il me parlait de Dumas, et même mon instituteur m'a puni parce que j'avais peint mon petit soldat Mocarex de Dumas avec le visage noir. Il me disait, qu'est-ce que tu fais là? Mais je dis, monsieur, il était carteron, comme moi. Aussi, on écrit des romans où peut-être on surajoute de la couleur parce que dans les autres, ils n'y sont pas. C'est-à-dire qu'on a un boulot de romancier qui est un peu de combler des vides romanesques qui sont pourtant ce qui vous a constitué, et c'est mon cas. Voilà la mission de l'artiste. Souvent, on entend des réponses creuses à cette question et votre réponse me réjouit, Daniel Picouli. Et enfin, aux amoureux des mots que vous êtes tous les deux, je vous propose d'écouter un jongleur incroyable qui chérissait la langue française et je pense que ça devrait vous faire plaisir à tous les deux. J'ai failli être en retard. Notre maître. Et ben parce que je suis venu en deux bœufs. En deux bœufs. Non, parce qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors j'ai troqué ma deux chevaux contre une deux bœufs. Vous l'avez peut-être vu devant le studio, c'est une deux bœufs blanc taché de rouge. Alors, quand on me dit, qu'est-ce que vous avez comme voiture? J'ai une deux bœufs. Alors les gens sont surpris parce qu'ils s'attendent à me voir arriver en Rolls-Royce, l'artiste. Alors quand ils voient arriver en deux bœufs, ils sont déçus. Alors les réflexions des gens. Tiens, là la paire de bœufs du père de veau. Ça fait mal. On a tous grandi avec ça. Ouais. Raymond Incroyable. DeVos, voilà. Je vais juste vous entendre, Daniel Picouli, sur nos ancêtres les Gaulois. Ouais. Ben, nos ancêtres les Gaulois, ça me fait pas rire. Ça fait pas rire, ça me pince le cœur parce que ce que vous avez dit sur la façon qu'on a eu de blanchir l'histoire, c'est-à-dire de faire disparaître les figures, c'est ce que j'ai fait moi. Quand je parle du chevalier de Saint-Georges, c'est parce que quand j'étais petit, je le connaissais, il était nulle part et donc j'ai voulu le faire réapparaître. Et ce blanchiment continu de l'histoire et que des hommes politiques encore aujourd'hui se prennent pour des petits blanchisseurs et viennent sur les plateaux télé nous parler des Gaulois, tout ça, ça me peine pour ce pays qu'on aime, dont on fait partie, dont on essaie de défendre avec la langue, avec les mots, et quelqu'un avec un mot comme ça peut vous aspirer tout l'espace médiatique, vous prendre ça comme vous avez les ventouses là, vous prendre toute l'air simplement avec un mot, ça me gonfle. C'est tout. C'est le pouvoir des mots aussi. J'espère que tout ça va être contre-productif. Et tout ça, je vais vous dire un truc. Ça me donne envie d'une seule chose, d'aller voter aux primaires de la droite. Absolument. Il faut juste prendre une petite cotisation. Très sérieusement. Je dis ça très sérieusement. Ça va me coûter 2 euros. J'ai plein de copains qui disent ça. Voilà. Bien sûr. Je vais partager pendant 3 minutes les valeurs de la droite, le temps de déposer un bulletin. C'est tout. Auteur de textes et de musique, et il a commencé son album en écrivant les textes, donc il fait chanter les mots, on va en parler avec lui, c'est Monsieur De Palmas avec Rose Pleure. Thank you.

Ouais. C'est un vrai choix. Il faut que ce soit autobiographique, il faut que ce soit musical. C'est quoi le choix? Rose. Pourquoi tu sais, Rose? Le choix, c'est la meilleure façon que je trouve pour que les mots viennent, c'est de me mettre dans un état propice. Et en fait, c'est pas vraiment du choix. C'est comme si... pour moi, ça vient pas vraiment de l'intérieur, les paroles et la musique. Ça vient, c'est un peu ésotérique, mais ça vient d'une espèce d'inconscient collectif. C'est comme si ça se baladait. Et puis, de temps en temps, avec la sensibilité d'un artiste... Capter des ondes. Tu ouais. t'as la porte qui s'ouvre et tu chopes le truc. Et c'est là qu'intervient le cannabis. Le cannabis, je crois, ouvre une porte, mais je crois qu'elle t'ouvre pas cette porte-là. Et tu crois que c'est celle-là et c'est pas la bonne. Et donc je pense qu'il faut faire ça sans le vécu. Sans le vécu. Sans le vécu. Nagui, ça. Est-ce que quand on écrit une chanson, on fait des ratures, on revient, on change de mots, on cherche des jeux de mots, des doubles sens, des sous-entendus? Ça dépend un peu de ton style. Il y a des gens qui jouent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les mots. Il y a des textes à tiroir. Les Gainsbourg. Alors, oui. Moi, j'essaie toujours de mettre plusieurs sens dedans. Mais c'est vrai, par contre, jouer vraiment sur les mots, comme Zazie fait beaucoup ça aussi. Ouais. C'est pas vraiment ce qui m'a attiré. Moi, quel est votre mot les deux, trois mots que vous aimez dans la langue française? Je serais bien incapable de te répondre comme ça. En fait, ça dépend. On l'a tous fait. Vous avez joué. Moi, ça dépend de la musicalité du morceau. Droit d'auteur. Droit d'auteur. Droit d'auteur. Les mots qu'on n'aime pas, alors genre fiscalité. Ça vient. Maintenant, c'est Fourrière. Fourrière, tu t'es fait choper ta voiture. Non, parce qu'on m'a évité la Fourrière. Merci, Steven. Merci à Steven. Elle a fait des économies. Ouais. La beauté des mots et la beauté du geste aussi. D'ailleurs, on va demander à Steven de te rapporter ton pantalon. Parce que parce qu'apparemment, t'es venu sans ce matin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'as vu? Je suis la beauté du geste. Le respect. Tu vas finir un procès pour ça. Aux États-Unis, Gérard de Palmas avec cet album La beauté du geste. Il est donc en tournée. Il sera en concert tout le mois de novembre. Le 25 novembre, c'est la date parisienne à la Cigale. Retour à Paris en mars, les 3 et 4 mars. Et il sera de retour tout à l'heure dans la bande originale. Merci. Merci Gérard d'être venu. Merci. La bande originale. Ça va, je te dis. Sur France Inter. C'est Alison Wheeler. Dans la drôle d'humeur, Nagui, je sais pas. Enfin, je suis pas prête à ça aujourd'hui. Non, personnellement, je suis sous le choc, je sais pas vous. What the fuck, hein? Brad Pitt et Angelina Jolie divorcent et on parle de mots? De littérature? Really? C'est quoi ce délire? Non, France Inter se fiche autant de l'actualité, je comprends pas. Vous croyez pas à l'amour ou quoi? Je vais vous dire, les Jeux Paralympiques sont terminés, mais alors là, les bras m'en tombent. Vous allez longtemps continuer à faire comme si de rien n'était, Nagui, c'est ça? Non, mais sérieusement, c'est un mythe qui s'effondre, là. Hello, everybody. Sérieusement, c'est terrible. Vous vous rendez pas compte? 12 ans. 12 années de vie commune au cinéma à Hollywood. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 12 ans de fidélité à Hollywood, c'est comme en année chien, ça compte triple. Non, franchement. 7. 7, voilà. Se séparer comme ça, ça a dû être dur. Ou alors ça n'était pas assez, c'était peut-être ça le problème. Vous rendez compte? Sa femme et ses... Pardon? Souillon. Respect. Il n'y a plus de respect. Vous vous rendez compte? Sa femme et ses 6 enfants en moins. Brad, il se retrouve tout seul chez lui comme un con avec sa pite et son couteau. Tous ces efforts pas récompensés. Mais quand on peut se faire plaisir, enfin, le respect se perd. Tout ça pour ça. Moi, ça me dépite. N'hésitez pas à applaudir si le jeu de mots vous séduit à nouveau. Mais tout ça sort. Écoute, on va rester sérieux 2 secondes. Brad, si tu m'entends, c'est pas grave. Je sais qu'il écoute France Inter. On va se dire la vérité. Je sais que c'est dur. T'as eu plein de femmes, plus belles les unes que les autres. De Applegate en passant par Aniston, tu finis avec Gwyneth, mais t'y croyais pas le trop. Avec un petit jet lag. Il faut que je comprenne. C'est pas simple ce que je vais te demander, Brad, mais viens vivre en France. Come live with me in France, Brad. Tu vas voir, c'est pas mal, la France. Nous deux, on ira voir des monuments incroyables. La Tour Eiffel, le Moulin Rouge, le mur de Calais. Je t'apprendrai à jouer avec la langue française. Des expressions typiques comme « un café, s'il vous plaît »,« quelle heure est-il » ou « casse-toi, pauvre con ». C'est beau, la langue française, tu verras. Et puis, tu peux même venir avec tes enfants. La France est géniale pour les enfants, Nagui, vous le savez. Ils vont apprendre comment jouer au football, à cuisiner, l'humour français ou comment organiser un canular dans une église. Et au pire, si tu sais pas quoi faire de tes enfants, le samedi soir, je te donne le numéro de Jean-Marc Morandini. Oh non. Oui, bon, c'est vrai, ils ont raté la rentrée, c'est chiant. Mais tes enfants, ils seront plus populaires à l'école. Je suis sûre que Hervé Mariton aura de voix au primaire. Et puis, toi qui aimes les bêtes, je te jure, on fait des efforts en France. On va mettre des caméras dans les abattoirs. On a même des animaux stars qui passent à la télé, comme le chien de Michel Drucker ou la chatte d'Afida Turner. Et puis, t'inquiète, en vrai... Quasiment personne ne mange des escargots. Non, si on devait manger des trucs qui servent à rien, tu sais, on mangerait les candidats de Secret Story. Allez, viens. Viens vivre en France. Ici, on tire pas sur les noirs. Ah si. Viens vivre en France, le pays de la poésie où les femmes sont des pépites qui n'en veulent pas à tes pépettes. Elles sont prêtes au coït et tant pis si Brad Pitt. Oui, viens bon, vivre en France avec moi. Bon, c'est sûr, va falloir que t'apprennes à vivre comme nous ici, que t'adhères au pacte d'assimilation. C'est dur à dire. Mais tu vas voir, c'est simple. Tu fais juste comme Nicolas Sarkozy. Quand tu sais plus quoi dire, tu brandis ta gueule et ça ira. Bon, un dernier truc, tu verras. La France, c'est accueillant, mais vous débarquez pas à 50 parce que si j'en crois un seul ministre, quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a plusieurs que ça pose des problèmes. France Inter, Nagui, la bande originale. Je crois qu'il a écouté. Super. Je crois qu'il va taper dans la minute. Il est dans le bar là en ce moment. Mais pour vendre, il veut vendre le domaine. Le domaine. C'est vendre. Triste. Ah, la bicoque. La bicoque, ouais, c'est ça. Nous vous avons demandé ce que vous écoutiez comme musique sur 2-3 années comme ça choisies, des années en commun, comme votre année de naissance, 48. On va dire que l'enfance de Daniel Herrero est baignée par Charles Trenet. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Elle vous renvoie quoi comme parfum, cette chanson? Bah, mes parents sont des immigrés espagnols, ils sont installés en Lande. Quoi, vous êtes pas gaulois? C'est sûrement pas, ibéro probable. Ibéro, voilà. Ouais. Enfin, dans la Méditerranée. De fait, Trenet, il est du périmètre languedocien, et originaire de Narbonne. Me semble, hein, moi je nais en 48, donc j'ai pas mémoire des comptines ou des chants qui tintinabulent dans la maison. Mais il me semble que Trenet est peut-être, alors avec la lecture d'aujourd'hui, quoi, Douce France était un message. Voilà, ouais. Quelque chose qui pouvait avoir à la fois du vibrant et du sens. Ouais. Et dans cette même enfance, celle de Daniel Picouli, c'était plutôt l'accordéon. Ah oui. André Verschuren. Oh. Garde de cristal, ouais. André Verschuren. Mais c'était associé aux dédicaces. C'était disque des auditeurs. Ah, ma petite Lucette, voilà. Et je voudrais faire une dédicace aux détenus de Nancy McVille, auquel j'ai rendu visite la semaine dernière. Ils ont ouvert une bibliothèque, excusez-moi, au nom de Daniel Picouli. Ah. Absolument. Ah. Et quand je suis arrivé dans la prison, quoi, les gars. Bon. Minimum. Quand je suis arrivé dans la prison, j'ai vécu un truc incroyable. Les gars, ils faisaient du yo-yo, quoi, ils s'envoyaient des trucs et tout. Et tout à coup, il y a un gars qui fait Picouli, sans blague. Et un gars qui m'a reconnu. Et moi, je l'ai reconnu. Je me suis dit, c'est un ancien de la cité, ma parole. Mais non, c'était pas le cas. Et non, mais je le dis avec beaucoup d'émotion parce que il y a un club lecture et dans ces prisons, il se passe des choses. Et quand on est là un moment pendant une heure ou deux heures, on a le sentiment de les faire au sens propre comme au sens figuré. S'évader. Ce que je trouve formidable avec vous deux, c'est que vous parlez de l'amour de la langue française et donc de la France, et que vous racontez tous les deux comment vos racines sont profondes dans notre terre, et peut-être lointaine, mais je trouve que c'est un beau message de valeur de que vous nous communiquez aujourd'hui. Tu comprends rien. Je suis ému, ça ne t'arrive jamais. En 76, Daniel Herrero, c'est encore le Sud qui vient frapper. Un peu. Non. Ouais, le Sud. Qui ressemble à la Louisiane. à l'Italie. Mais non. Il y a du linge étendu. C'est pas la même chorégraphie. Nino Ferrer, le sud, dans ce sud-là, vous devenez prof en 76. Vous en avez gardé quoi comme souvenir de ces années prof? Alors, les années prof, je suis nommé à la fac à Nice. Ouais, ouais. Ouais. J'en garde le 10 le, ans quand même. Hein. Ouais, 10 ans. Ouais. Mm. J'en garde la vibration absolue, quoi. Ouais. Le pied monumental, voilà le gouffre, le pied goût, de quoi, de ma vie, de la, quoi, tu vois, de la transmission, le sens de je ne sais pas, de ma vie se trouve là. J'accompagne, je guide, je cambale, tu vois, je me mets à côté des gens qui. J'ai l'impression que vous parlez de rugby là. C'est des profs, non, tu sais. Non, mais bon, de fait, bon, ouais. Moi j'enseigne les sciences humaines, peu importe. Ouais. Et je trouve dans ce métier d'enseignant une beauté, mais une beauté. Voilà. Franchement, et j'ai mémoire de ce bout de route comme ça, d'enseignant, c'est-à-dire quelqu'un qui. La transmission, je ne sais pas, je suis toujours très inquiet sur qu'est-ce que tu as à transmettre. Je ne sais pas si tu as à transmettre, je ne sais pas si tu as à montrer, je ne sais pas si tu as à démontrer. Bah, transmettre, c'est au rugby aussi. Il faut transmettre. Au rugby, ouais, la transmission, c'est bah le ouais. Cœur, c'est la passe, quoi, tu vois, avec les doubles sens du mot. Mais c'est surtout comment dire, l'enthousiasme et la curiosité, je crois, surtout. C'est ça qui se transmet. Ça me plaît, Albert. Ça me plaît beaucoup. Ouais. Ouais. Alors, l'appétit, l'enthousiasme, qu'est-ce qui voilà. Déclenche comme ça, pour aller voir, pour aller cueillir, pour aller ressentir, pour aller arpenter, quoi. Tu un vois, bon prof, c'est celui qui fait passer ça. L'enthousiasme. Je sais pas, et la curiosité. Celui qui me semble pouvoir dégager le goût du mouvement vers l'avant, vers les autres sans doute. Alors, Daniel, vers la connaissance vous, qui devenez, enfin. Vous devenez prof en 76, mais vous, Daniel Piccoli, ça fait 3 ans qu'il est prof et il écoute. J'écoutais. Ah ouais. Disque jockey dans la voiture qui me traînait sur la route de Memphis. Cette chanson est un film. C'est-à-dire vous la voyez, quand vous l'entendez, vous voyez. Ouais. Voilà. Il y a un scénario formidable. Et moi, surtout le. Mais le souvent les chansons de Michel. Oui, absolument. Les yeux couleur Mantalo. Bon, voilà, absolument. On la voit, la fille. Mais de toute façon, il a écrit un roman. Moi, je l'avais reçu pour ça, petit Claude. Et j'ai toujours pensé, bah ouais, il est peut-être un petit peu feignant. Il trouve que c'est quand même mieux d'être sur scène et que, c'est que de gratter à la plume. Mais il a un talent d'écriture. Ça, c'est absolument indéniable. Et ce que j'aime dans ce type, c'est que il vous suit toute la vie. C'est-à-dire que moi, à 16 ans, quoi, c'était lui qu'on mettait au jukebox. C'est la BO de votre vie. Ouais, il y a toujours un coin qui me rappelle. Par exemple, c'était c'est la BO de mes 16 ans, de ma seconde, et ça le sera toujours. Et que ce gars reste aussi digne, aussi formidable, aussi fidèle, ouais, fidèle à lui-même. Et vous avez l'impression que ce gars-là a été une poutre dans votre vie. C'est-à-dire que ce gars-là, il vous a donné un petit peu de rigidité, de constance, tout ça. Et ça, c'est formidable quand un artiste fait ça. Ce mec ne m'a jamais déçu. Et dit, ne commence pas à me décevoir jamais. Grosse pression. Et alors, cet appétit de prof qui est en vous. Oui, bah, moi j'ai été prof, effectivement. Alors, prof, parce que mon père est décédé, j'étais en doctorat. À l'époque, on téléphonait au rectorat, et puis deux jours après, on était prof. Et on était reçus, je me souviens. Bien sûr, j'étais maître auxiliaire, j'ai fait un congé maternité, j'avais jamais enseigné. Congé maternité. Oui, moi aussi, je suis arrivé enceinte de ma vocation, monsieur. Absolument. Et là, alors, on est reçu par on est reçu par le prof principal et tout ça. Et là, j'ai reçu ma formation pédagogique accélérée. Elle m'a dit, vous avez déjà enseigné? Je fais non. Elle m'a dit, surtout, ne le dites pas aux élèves. Ça a été le seul conseil pédagogique que j'ai jamais reçu de ma vie. Et la première chose que j'ai fait quand on arrive dans la classe, j'ai pas enseigné, j'ai jamais enseigné, vous êtes ma première classe, mais vous n'avez pas intérêt à essayer. Voilà, c'est tout. Respect. Menaçant. Voilà. Ah ouais, non, pas menaçant. Oui. 13 ans. Bah quand même, vous aviez une arme quand même. Non, mais j'étais présent. Non, mais parce que l'idée de présence, vous avez parlé de ce que c'est un prof. Un prof, c'est un gars, il incarne quelque chose que tu as envie de rejoindre. Ouais. C'est-à-dire, ce gars-là, il a déjà fait l'essentiel de son impression en entrant, en montant sur l'estrade. En parlant, c'est tout. J'ai envie d'être comme lui. Il sait des trucs, ça a l'air d'être pas mal quand on sait des trucs. C'est tout, point. En 1995, dans la vie de Daniel Piccoli, il y a cette symphonie. C'est Saint-Georges. Dépêche Mode. Le Mozart. Le Mozart noir. Le Mozart noir, voilà, c'est ce personnage. Il faut que je fasse un petit peu d'autobiographie rapide. J'ai été le fils caché de Marie-Antoinette. Bon, c'est moins bien connu, mais si, quand j'avais 10 ans, j'étais le fils caché de Marie-Antoinette. Et tout mon boulot, tout mon travail, c'était de trouver un père. Et pour faire ma couleur, Marie-Antoinette étant le lait blanc dont je vous ai parlé du café au lait, il fallait que je trouve un noir. Et le boulot pour trouver un noir dans l'histoire de France. Le seul que j'ai vu arriver qui était dans le périmètre de Marie-Antoinette, puisqu'il avait été son maître de musique, c'est Saint-Georges. Papa. Donc je l'élis papa de l'année, et il devient mon papa. Et littérairement, 40 ans plus tard, j'écris un roman qui s'appelle La 13e mort du chevalier, où je raconte ces dernières années. Parce que c'est... Et en même temps, je fais émerger ce personnage. Et il y a le chant de personne. Bien sûr, bien sûr. Et le chant de personne, alors j'aime beaucoup. Le chant de personne se passe. Énorme succès. Ouais, c'est un énorme succès. Il a une date particulière. Il se passe le 21 septembre. Parce que je dis à la fin du. Demain l'automne. Et on est aujourd'hui l'automne. Et tout à l'heure, je lui ai dit, mais est-ce que vous avez pensé à Brassens, cette fameuse chanson qui est une merveille. Ça, au diable vous partez. Ça, c'est une des plus belles chansons qui soit. Et si un jour, écoute-la. Le respect toujours. Je mouillais mon mouchoir en souvenir de vous. Or nous y revoilà, mais je reste de pierre. Plus une seule larme à me mettre aux paupières. Le 22 septembre, aujourd'hui, je m'en fous. Quel bonhomme, ce Sardou. La chute, c'est le dernier vers, c'est « Je suis triste de ne plus être triste sans vous ». Et je trouve ça très très bon. Enfin, cette chanson, c'est une merveille absolue. Émotion totale aussi pour vous, Daniel. Et vous faites un long voyage dans le Pacifique pour ce monsieur. Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Pour vous, il fallait y aller, Marquise. Oui, il fallait y aller. Ouais. Dans mon enfance, le chant, j'allais dire, de culture française qui me percute, c'est celui de Brel. Bizarrement, adolescent, pubère et puis même jeune adulte, je ne peux pas le voir. Je le rencontre pas, je le croise pas. Je vois ce que j'aime déjà beaucoup, quoi. Je vois Brassens, je vois Ferré, je vois Barbara. Et lui, je le vois pas. Mais de fait, il part au frigo assez tôt, il part loin surtout très tôt. Et ça va me manquer, puisque c'est mon compagnon de base, c'est mon chant prioritaire, c'est mes émotions les plus fortes, toutes les percussions qui me mettent à l'envers viennent de lui. Ça fait beaucoup, tu vois, pour un trajet d'un mec qui court tous les dimanches, qui court derrière un ballon, qui met un ballon. Tu vois, et vraiment, bon. Le ballon à deux bouts. Un jour, il faut que j'aille. Donc, je pars au Marquis, je prends mon sac à dos. Et le Marquis, c'est loin. Hein, il est enterré, il va en voir. Stop. Un peu quand même, pour aller en stop, c'est dur, mais même, c'est loin surtout. Hein. Est-ce que non, pour rappeler, faut rappeler pour tous ceux qui, comme Nagui, ne savent pas où sont les Marquis. Les Marquis, c'est un archipel, tu vois, au fin fond de la Polynésie. Est-ce que vous, votre agente, votre rêve n'a pas été déçu quand vous êtes arrivé sur place? Je vois Marquise, je veux voir que lui. Moi, lui, il dit, bah ouais, il n'y a pas grand chose à y faire, hein, tu vois. Il y a un petit cimetière, va t'en voir que dans le cimetière, je sais qu'il avait, je passe à la maison où il était, c'est un truc qui ressemble pas à rien, c'est un phare qui n'est pas olympique. Et puis, sur un bord de mer, comme ça, dans une végétation luxuriante, une petite tombe de pas grand chose, hein, mais qui touche quand même celle de Gauguin. Les deux se touchent, celle de Brel, celle de Gauguin se touchent. Eh ben, je m'installe là, je sors un peu la gamelle, le gorgeon, et, tu vois. Je passe trois jours à blaguer avec le mec. Voilà. Comme un indispensable de d'une relation, tu vois, qui a été amputée. Quoi, voilà. Aux éditions Point, Le goût des mots, les mots que j'aime, c'est le titre de ce livre, avec ses signatures de Pierre Arditi, de Jean-Louis Chifflet, de Philippe Guéluc, François Morel, de nos invités, en l'occurrence Daniel Picouli et Daniel Herrero. Les mots, vous les avez cherchés dans ces années 80. 16, 17, les mots, vous avez voulu parler aux jeunes qui votaient Front National. Et parce que le Front National montait de plus en plus dans votre région toulonnaise et dans le Var globalement, dans le Sud même, PACA. On ne peut pas dire que le travail ait vraiment fonctionné, puisque ça continue de monter. Quel mot trouver aujourd'hui pour parler à ces jeunes qui votent? Il y a toute une génération qui va voter pour la première fois en 2017. Ah, c'est assez difficile à dire. Moi, en 95, tu vois, le Front National qui fermente, qui mijote dans les terres du Sud de façon un peu plus intense qu'ailleurs, ça germe à Toulon au cours d'une municipale. Hein. Et ben, pour moi, c'est une offense, c'est une blessure, c'est une douleur, c'est une irritation, c'est une colère, c'est même une révolte. Et je ne sais pas comment m'inscrire dans ce cheminement-là. Donc, alors, bon, vous écrivez Petites histoires racontées à un jeune voilà. du Front National. Ah, mais je le prends pas par le collier, je le prends un peu par le cœur, un peu. Ça te vibre un peu au fin fond de ton âme, l'humain que tu es, de conditionner, d'accompagner ces balourds, ces laids, ces vilains, ces rétrogrades, ces inhumains, hein, collègue, non. Alors, voilà. Et donc je m'invente comme ça une série de petites histoires que j'aimerais lui raconter, une qui se passe dans les fins fonds des douleurs fascisantes des guerres, une autre qui se passe au fin fond d'une zone, une autre peut-être qui se passe avec des amitiés ou des métissages que d'aucuns ne reconnaissent pas. Enfin, mais bon, là aujourd'hui, alors, aujourd'hui je lui dirais ils disent quoi, ils voient pas le passé, ils disent ouais on a essayé la gauche, on n'a pas marché, on a essayé la droite, ça n'a pas marché. Je sais pas s'ils disent ça. Ils disent comme une espèce de vocifération lancinante, régressive. On en a marre, les mecs qui nous dirigent, c'est des bons à rien. Et ils disent plutôt ça. Ils disent, ça émerge plutôt le dégoût des responsables, avec peut-être l'idée qu'il faut aujourd'hui, pour que les hommes marchent ensemble et qu'ils s'estiment, il faut de l'autorité, parfois même de l'autoritarisme. Et est-ce qu'au-delà du Front National, le problème, c'est pas tant le lexique et l'imaginaire ? Parce que les valeurs véhiculées par les différents partis, on sent bien qu'on arrive à quelque chose d'un peu aigre et d'un peu douloureux. Ah, et est-ce qu'au-delà du Front National, ça couvre pas l'ensemble des termes qu'on utilise dans la vie pour désigner, pour parler, des termes démotivés, des termes vidés de leur sens ou qui ont été remplis par d'autres évocations? Est-ce que c'est pas aussi ça la mission d'homme de lettres comme vous? De l'être, je ne sais pas, mais... Ce que je ressens, c'est que le raisonnement, l'argumentation étoffée, raisonnable, rationnelle, méthodique, tu vois, ça ne marche pas. C'est terrible, mais ça ne marche pas. Voilà. Et si tu passes par le champ émotionnel, qui est un peu plus régressif, qui est un peu plus pulsionnel, tu vois, c'est plus difficile. Mais il me semble que c'est celui-là qu'il faut mener, mais avec l'idée que si tu es un homme et qu'il y a quelque chose de bon chez toi, et que tu veux continuer à grandir, fais attention, c'est pas cette route-là. Daniel Picouli. Ouais, moi, ce que je vois, c'est que, et je comprends ce que tu dis, Néla, mais c'est qu'on met en demeure les gens de mots, de redresser une situation dont ils sont pas responsables. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, quand même, qui s'appellent les hommes politiques, des gens qui dirigent, qui lèvent la main pour dire moi, je sais, moi, j'ai une solution, moi, je vais faire. Et depuis 40 ans, gauche et droite confondues, ils ne font pas. Et c'est plus la peine de leur raconter une histoire. Moi, on parlait du champ de personne. Moi, j'étais en 94 une espèce d'exemple de l'école républicaine qui avait produit. Voilà, j'étais presque une sorte de modèle. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, je suis absolument plus crédible dans ce rôle-là. Je ne peux pas dire que l'école fait la promotion des gars. Moi, je suis un picouli d'aujourd'hui. J'ai 15 ans dans ma cité. Je ne deviens pas, je ne suis pas aujourd'hui à France Inter. Je le serais pas. C'est-à-dire que j'ai pas les mêmes chances. C'est quand même dingue d'être dans une société où tu te dis que tes mots ont moins de chances que toi tu as eu. Mm-hmm. Alors qu'on a tous bossé, on bosse tous pour qu'ils aient plus. C'est la première fois de notre histoire. Mais oui, moi je suis un môme des 30 glorieuses, de ces gens qui ont été nourris à l'idée que le progrès était infini. Et que ça allait toujours s'améliorer, et ça s'améliorait pour tout le monde. C'est plus le cas. Et c'est quand même pas la faute des gens de mots, parce que des mots, on en a fait, on en a pondu. Et quand on rencontre les gens qui nous lisent, on sent qu'on a un certain intérêt, et que même on a peut-être une certaine influence. Mais on n'est rien par rapport à la réalité. Et heureusement qu'on n'est rien par rapport à la réalité. Et surtout, il faut pas essayer de faire semblant. Il faut pas, avec des mots, faire croire à. Parce que y en a d'autres qui l'ont fait. Hein. Dis-moi. Oui, mais Daniel, nous, on y est pour rien. Arrêtez de nous engueuler. Mes élèves m'avaient offert un t-shirt. Je suis pas en colère, j'explique. Je parle toujours comme ça, je suis désolé. Voici Gérard de Palmas sur la route. J'aurais dû m'arrêter faire une pause. été trop pressé. N'aurait-on pas pu attendre un thé? Erreur fatale, j'aurais dû t'écouter, oh non. Je ne dissociais plus le bien du mal, car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Ouh, j'avais perdu l'habitude, non, le sentiment profond de solitude. Je ne m'apercevais pas que tu étais derrière chacun de mes pas, non. Erreur fatale, vient le temps des regrets amers. Je me noie dans un verre de larmes, car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. J'étais sur la route toute la sainte journée. Non, je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire. Édouard Cocard, oui, qui accompagne à la basse et au cœur, je vous offre ce livre parce que les mots sont importants. Le choix des mots, vous n'avez toujours pas trouvé un mot que vous vouliez. J'ai pas réfléchi. S'immiscer, c'est beau. C'est rigolo. Il y a des mots qu'il faut choisir. Il y a des mots que l'on aime, des mots qui évoquent quelque chose. S'il y avait un mot qui pourrait résumer. Autotélique. Wow. Bien. Ah, j'adore ce mot. Maître Capello, c'est quoi? Ouais. Ça veut dire c'est une expérience que tu vis agréable, très agréable psychologiquement. Autotélique. Une expérience autotélique. Moi, je préfère dire c'est agréable. Hein. Ouais. C'est autotélique. Non, il y a un petit côté. Moi, je préfère payer, dire merci. Il y a un petit côté moderne. C'est pas mal. Joli. Elle est bien, ça. Tiens, on va la noter aussi. Ça, c'est pour moi. C'est vrai. On va lancer Crâne de Je sais pas si tout le monde a entendu, mais elle était bien. Elle était moche, elle était moche. En tournée, Gérald de Palmas, mais aussi avec ce nouvel album. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je m'ennuie le jour. Et puis il y a Laurence d'Arabie aussi. Ce qui me fait le plus dans la violence, c'est que malgré moi, je crois que j'aime ça. Il y a différentes formes de violence présentes sur l'album, y compris la violence conjugale, dans Il faut qu'on se batte. C'est une histoire vraie que vous êtes venu nous raconter ici. Laurence d'Arabie, pourquoi vous le ressortez Pourquoi je ressors des placards? Parce que ce film m'a touché, m'a retouché chaque fois que je le vois. Enfin, c'est et ben, vous voyez, c'est cette histoire de violence qu'on a tous en nous, comme inscrite. Alors, est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est de l'acquis? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je me pose toujours la question. Mais d'où ça vient? J'essaie de trouver des réponses. Déjà égoïstement pour essayer de soigner celle que j'ai en moi. Et voilà. Donc je regarde. C'est pas de la violence, c'est de l'énergie. C'est la violence. Ouais, parfois c'est okay. La violence. Je vais me méfier. J'ai méfié. Il revient dans la dernière demi-heure, Gérald de Palmas. L'album s'appelle La beauté du geste. Merci Gérald. Merci. La bande originale. Maggie. Les mots que j'aime, c'est le livre dont ils sont venus nous en parler, d'ailleurs, Daniel Piccoli et Daniel Herrero. Les mots que j'aime, 10 mots, commençant avec Alain Rey, Véronique Ovaldé. Il y a pas beaucoup de filles, hein. Agnès de Sarthe et Jeanne Charal, sinon Pierre Arditi, Jean-Loup Chifflet, Philippe Guéluc, François Morel, Daniel Piccoli, comme j'ai dit, Daniel Herrero. Pierre Arditi qui déteste le mot la mort, et il dit je préfère le mot femme, c'est la vie, je déteste, je ne veux plus dire le mot mort, ni même le mot fin au théâtre. Il y a une vraie analyse que l'on peut faire de chacun en lisant ces mots, et ça vous redonne goût de l'amour de cette langue française. Bonjour, c'est Nicolas Demorand. Du lundi au jeudi à 18h sur France Inter, le 18-20, c'est votre rendez-vous info de la soirée. 18h-19h, les journaux de la rédaction. 18h15, un jour dans le monde pour toute l'actualité internationale. Londres, Jérusalem, Washington, Beyrouth. Et à 19h20, le téléphone sonne. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Merci de prendre mon appel. Vous avez la parole sur Twitter avec le mot-clé Telson et au 01 45 24 7000. Le 18-20 de Nicolas Demorand, ce soir sur France Inter, en partenariat avec Le Monde. France Inter, on aime, on aime. On vous en parle. La Fiesta des Suds vous embarque pour ses 25 ans, du 19 au 22 octobre, au Dock des Suds à Marseille. Un après-midi minot, 3 soirées, 40 concerts festifs pour une odyssée hors normes. Avec Louise Attac, Hubert Félix Thiéfen, Deluxe, Dubbing, Cassius, Jeanne Aded, Skip and Die versus Lindigo, The Dizzy Brands, Naive, New Beaters et bien d'autres. La Fiesta des Suds, un événement France Inter. Plus d'infos sur franceinter.fr. Il est midi et vous êtes sur Inter. Les infos avec Laetitia Gaillet. La fin du procès des émeutes de Moirans dans l'Isère au tribunal correctionnel de Grenoble. Ce matin, le vice-procureur a prononcé son réquisitoire. Il demande des peines de prison avec sursis, 6 mois, mais aussi des peines de prison ferme jusqu'à 14 mois contre les 12 prévenus. Le détail avec Gérard Fourgeot. Il a requis 12 ou 14 mois de prison ferme contre les frères Jonathan et Steve Bush. Le premier a déjà été condamné 13 fois avant l'émeute, le second 5 fois. Pour le parquet, leur participation à l'émeute ne fait aucun doute. Il a encore requis 6 mois ferme contre Giovanni Rosalino, 10 condamnations antérieures, et qui n'aurait pas dû être à Moirans puisqu'il purgeait une peine à cette époque. Pour les 9 autres prévenus, Michel Coste a réclamé des peines de 6 à 12 mois avec sursis, avec des travaux d'intérêt général. Plusieurs étaient sous le coup de prison avec sursis dont le procureur n'a pas demandé l'application. L'esprit de ce réquisitoire, manifestement, était que personne ne se retrouve derrière les barreaux, à condition, a-t-il répété encore, que les victimes soient remboursées. En pratique, très peu des accusés ont un emploi. L'une était soignante, un autre maçon, un autre encore récupérateur de métaux. À Grenoble, Gérard Fourgeot, France Bleu Isère pour France Inter. Le beau-frère de Fabien Klein a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes, mis en examen et écroué. Il avait été interpellé mardi soir à l'aéroport de Roissy avec sa compagne, sœur de Fabien Klein et son fils. La famille avait été expulsée de Turquie après un probable séjour en Syrie. Il a demandé des comptes, Bernard Cazeneuve, et il a convoqué l'ambassadeur de Belgique. Le ministre de l'Intérieur a voulu comprendre pourquoi des policiers belges transportaient dans un camion des migrants cette semaine. Ils ont été interpellés mardi soir à Nieppe, dans le Nord, par la police française. En attendant d'avoir toutes les explications, les autorités belges, elles, se font plutôt discrètes, Pierre Benazet. Le ministre belge de l'Intérieur a fait savoir qu'il ne souhaitait pas réagir. Ce silence semble destiné à faire retomber la pression pour que ce malaise diplomatique ne se transforme pas en grave incident. Pour les autorités belges, il faut gérer ça calmement pour revenir aux bonnes pratiques habituelles le plus vite possible. C'est en tout cas une première, souligne avec étonnement le commissaire de la zone de police du côté belge, parce que d'habitude, les relations sont très bonnes, avec en particulier une collaboration étroite, par exemple lors des dispositifs mixtes de contrôle. Du côté des syndicats de policiers, c'est l'incompréhension qui règne. Selon le SFP, SFLP Police, par exemple. Soit les collègues français ont voulu s'amuser, mais alors ils sont les seuls à avoir ri dans cette histoire, mais ils couvrent la police française de ridicule. Ou alors il y a d'énormes vides juridiques dans le protocole d'accord entre les deux ministères de l'Intérieur. L'incompréhension règne aussi sur la méthode. Pourquoi avoir passé les menottes aux policiers belges après avoir confisqué les radios et les armes? Pourquoi les avoir auditionnés pendant 5 heures? Le syndicat demande aussi avec amertume pourquoi le ministre ne semble rien avoir fait pour défendre ses policiers. Pierre Benazet, France Inter, à Bruxelles. Une centaine d'élèves ont bloqué ce matin le lycée Voltaire dans l'Est parisien. Ils ont dénoncé la loi travail et la répression policière. Certains des manifestants étaient cagoulés, voire masqués. Ils arboraient une banderole du Mili, le mouvement Interlutte Indépendance. Ce mouvement de lycéens avait appelé à faire du 22 septembre une journée de lutte. Hervé Mariton n'en fera pas, mais lui, si. Frédéric Lefebvre a confirmé aujourd'hui qu'il allait bien déposer un recours au lendemain du lancement officiel de la campagne pour les primaires ou la primaire des Républicains. La haute autorité des primaires a rejeté la semaine dernière la candidature donc de Frédéric Lefebvre. Un mot du journal de 13h tout à l'heure. On ira à Charlotte, en Caroline du Nord. Il y a eu de nouvelles émeutes hier soir. Elles ont été violentes une fois encore. Un homme a été blessé par balle. Le gouverneur de l'État a décrété l'état d'urgence. On ira également à Bruxelles pour la nouvelle affaire du jour, les Bahamas Leaks. Une ancienne commissaire européenne n'avait pas déclaré qu'elle dirigeait une société offshore aux Bahamas pendant son mandat. Bruxelles affirme aujourd'hui examiner les informations publiées par Le Monde et le consortium international de journalistes d'investigation. Et puis on prendra des nouvelles du couple Chirac. L'ancien président est toujours hospitalisé à la Salpêtrière à Paris pour une infection pulmonaire. Bernadette, elle, a été hospitalisée hier soir pour souffler et récupérer un peu car elle est, dit-on, épuisée suite à l'hospitalisation de Jacques Chirac. Et puis un mot également de l'invité du journal de 13h tout à l'heure. Bruno Duvic recevra Lionel Honoré. C'est l'un des auteurs de l'étude publiée aujourd'hui sur la religion au travail. 65% des salariés disent être confrontés à l'irruption de la sphère religieuse dans l'entreprise. C'est 15 points de plus que l'an passé. On en reparle tout à l'heure dans le journal de 13h de Bruno Duvic. Mais pour l'instant sur France Inter, il est 12h05. Du lundi au jeudi soir sur France Inter. Very good trip, le voyage musical de France Inter. Mishka Assayas. Cette semaine, on va visiter quelques sommets d'un genre historique et toujours vivant, la chanson rock ou folk sublimée par des orchestrations classiques, cordes et cuivres. Il y aura des anciens, comme David Bowie et John Cale, mais aussi des nouveaux, comme The Divine Comedy et Regina Spektor. Very good trip. À ce soir. Sur France Inter, à partir de 21h. France Inter. On aime, on vous en parle. 12 ans que j'y suis pas allé, 12 ans. Et tout à coup, l'idée d'un déjeuner. Juste la fin du monde, le nouveau film de Xavier Dolan, Grand Prix à Cannes. Et pourquoi avoir peur d'eux au fond? Ça pourrait être agréable. Comme dans les romans où tout finit en beauté, on finirait par s'aimer, on rirait avec bêtise. Ils fermeraient les yeux sur les erreurs. Après 12 ans d'absence, un écrivain retrouve sa famille. Imprévisible. Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille. C'est pas la fin du monde. Avec Nathalie Baye, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Léa Seydoux et Gaspard Ulliel, actuellement au cinéma, un film France Inter. Eh bien, c'est la suite et c'est comme ça sur France Inter. Oui, c'est la bande originale. Absolument, merci Laetitia Gaillet. Le journal sera à 13h avec Bruno Duvic et vous revenez tout l'après-midi nous informer. À tout à l'heure. C'est le bon final avec Leïla Kodobou-Dadi. Bonjour à tous. Alissa Miller. Daniel Morin. Albert Algou. Bonjour. Richard Ornac. Notre invité tout à l'heure en live. Gérard de Palmas et nos invités Daniel Hérault, Daniel Piccoli. Les mots qu'ils aiment, les mots qu'ils préfèrent, les mots sont écrits dans cet ouvrage, dans la collection Le goût des mots, publié chez Point, les mots que j'aime. Et justement, ces mots, Daniel Morin, sont un peu quand même le reflet, c'est un peu le miroir de ce que nous sommes. De notre âme. Ben oui. Mais quelle question irréelle de brio! Vous êtes le roi du point d'interrogation, monsieur Guy, le fucking king! Le fuck. Fucking king, fucking king. Petit bémol, toutefois, ce n'est pas la bonne question. Non, ce matin, la question la plus pertinente est non, les mots préférés ne sont-ils pas le reflet de ce qu'on n'est pas? Eh oui, monsieur Guy, notre véritable reflet n'est pas ce qu'on dit. Eh ouais, c'est comme ça, mon petit Guy. C'est pas parce qu'on est brillant qu'on fait mouche à chaque fois qu'on a raison. Prenons un exemple simple pour vous. S'il te plaît, je voudrais comprendre. La petite Alison. Ouais. la comique rouquine. Elle est là à dire des horreurs, des saloperies, hein, qui a rien qu'à la les entendre. La sexy comique rouquine. Rien qu'à les entendre, t'attrape des maladies. Et ben, ce qui la caractérise en réalité, c'est le contraire. On ne s'en douterait jamais comme ça, mais elle est vierge. Oui. Elle est vierge et compte bien le rester. Et pour cause, c'est la fille cachée de Boutin et de l'abbé Pierre. Oh, ça l'a marqué. Oui, oui, oui. Ça autre exemple. Nous aussi. Autre exemple. Léla. La caution culture de l'émission. Oh, eh ben, elle est là. Culture, culture, culture. Eh ben, en fait, c'est tout le contraire. Je la connais, la bougresse. À côté, Ribéry, c'est un puits de science. La dernière fois qu'elle a essayé de lire un livre, c'était le catalogue Ikea. Et page 4, elle a chopé une migraine. Au départ, la notion de tragédie grecque, elle croyait que c'était quand on ratait la cuisson de la moussaka. Non, mais. Dernier exemple, Nagui. Nagui. Alors, excusez-moi. Lâche-toi. Un mec qui parle tout le temps de partage, de solidarité, de transmission, de respect, d'amour. C'est hyper chelou. Tu m'étonnes, Nagui, il est tout ce qu'il dit pas. Vous l'avez déjà entendu parler de torture, harcèlement psychologique, moral et physique? Non, eh ben, croyez-moi, ça le caractérise plutôt fidèlement, tout ça. Vous voyez, mon bon monsieur Guy, la démonstration est flagrante. Ouais. Une fois de plus, vous avez dit N'importe quoi. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Daniel Herrero, Daniel Picouli, vous signez donc vos 10 mots préférés avec des textes chaque fois très, très, très intimes, j'ai envie de dire, et très touchants, ouais. Les mots que j'aime. Vous en êtes où, Daniel Picouli, de votre travail, de vos écrits? Ah, moi, j'écris, moi, c'est mon quotidien, l'écriture, j'écris tout le temps. Oui, enfin, vous ne publiez pas un livre tous les jours, non plus. Non, mais j'en ai un qui va sortir en janvier, un roman. Voilà. Je suis sur un plus grand, je suis en train de faire un roman qui s'appelle 90 secondes et qui raconte l'éruption de la montagne Pelée. 90 secondes, 30 000 morts. Et je fais un roman sur cette histoire sidérante. Pourquoi vous le qualifiez de plus grand? Parce que il est, comment dirais-je, il est destiné à la rentrée littéraire de 2017. Ah. Voilà, c'est pour ça. C'est-à-dire que c'est pas plus grand, c'est un terme qui n'a pas grand sens, mais dans mon esprit, je savais pas qu'il allait prendre cette place-là. Les bouquins, c'est comme les mots, on sait pas très bien ce qu'ils vont devenir. Bah, c'est vrai, on les élève, on est plutôt des bons parents, tout ça, puis ils font des conneries quand même. Donc il y a des, y a des livres qu'on a fait et qu'on fait des conneries, quoi. C'est-à-dire, on a toute la temps. Attention, et puis après ça marche pas, ou on foire. Et celui-là, il est bien engagé, c'est-à-dire tous ceux qui ont lu les trois quarts, parce que j'en suis déjà aux trois quarts, ont la gentillesse de le trouver. Et je vous assure, ça, c'est comme un de vos gosses qui vient de passer un examen. Mais vous faites lire les livres avant même de les avoir finis? Oui, moi, au fur et à mesure. Ah ouais, moi j'ai une espèce j'ai 13 personnes, parce que je fais tout sous 13, à qui je fais lire mes manuscrits, parce que moi je veux faire des crash tests, je veux qu'on me cogne. Et parce que j'ai remarqué qu'une des choses les plus difficiles à trouver dans la vie, c'est quelqu'un qui vous lise sans vouloir trop être gentil. Ouais. Parce que ça, c'est le pire. Ou être trop méchant, vous descendre tout le temps. Et ça, c'est très difficile à trouver. Chaque semaine, sur François, ça continue? Oui. Ah oui, François, c'est alors, dimanche. Si vous venez voir dimanche sur François, Channel 19, vous verrez l'émission littéraire qui s'appelle Page 19, où je reçois Patrick Chamoiseau, qui vient d'écrire un grand bouquin. Ouais. Formidable. Formidable. Ouais, le dernier roman n'est pas très réussi. Quant à vous, dis-lui ça, il t'en met une. Non, parce que. Non, c'est. Il a plus que la violence pour s'exprimer. Quant à vous, Daniel. Daniel Herrero, vous avez écrit de nombreux ouvrages. Est-ce que là, il y en a un qui est en gestation? Je mijote avec quelques amis, je crois, chez Actes Sud, un ouvrage sur les Méditerranées, les ailleurs méditerranéens, les pieds un peu partout. Vous continuez de participer à Sud Radio, au JDD, à partager justement vos idées, vos passions? Vos rages? J'allais dire je chronique, il faut faire attention comment tu prononces ce mot, hein, notamment à cette table, si t'es enrhumé c'est déjà un peu délicat. Je chronique pour poursuivre un rêve. Je sais, mais c'est mon lot quotidien. Avec Alison, ça. Je choisis tous les mots. Je chronique pour Sud Radio et puis j'écris régulièrement pour le journal du dimanche, qui est un journal pour lequel j'ai de l'affection. Voici l'humeur de Daniel Morin. Oui. Oh, oui, pour vous dire la vérité, je suis épuisé. Je suis épuisé, épuisé, mais heureux. Que dis-je heureux? Je suis ivre de bonheur. Mon corps tout entier baigne dans un nuage moite et tiède de félicité. J'ai assisté hier au Zénith de Paris à l'enregistrement de Taratata. C'est la première fois de ta vie, surtout. Ah, et là, je peux vous dire un truc. C'est pas de la merde. Les chiffres sont là pour en attester, et croyez-moi, ça donne le vertige. 130 tonnes de matériel, 300 000 spectateurs chauffés à blanc, 9 000 techniciens en sueur, 800 chanteurs défoncés et un animateur chauffé à blanc, défoncé et en sueur, Nagui. Oh l'animal, oh le champion. Le chameau, non. Oh le chameau, tu as raison. Oh la bestiasse. Il maîtrise tout le bougre, vraiment, il connaît bien sûr tous les artistes, mais également le nom de chaque spectateur. Pour une émission de 2 heures, Nagui, je peux dire qu'il gère ça plutôt bien. Pour être honnête, j'avais un peu peur que l'enregistrement dure longtemps. Pas du tout. La soirée a été pliée en à peine 13 heures. 3 heures. Ah, bon, ça Nagui... t'a paru plus long, c'est 3 heures. Nagui est un monstre de professionnalisme et il reste humain. Au bout de 10 heures, il a commencé à montrer quelques signes de fatigue. Vous connaissez tous le fameux « Faites du bruit !» Alors, dans son état normal, Nagui ne l'utilise qu'avec parcimonie, c'est-à-dire une fois toutes les 10 minutes. Là, avec la fatigue, il a tendance à accélérer la cadence. « Faites du bruit !» revient toutes les 2 minutes. À la fin de l'enregistrement, il était tellement au bout du rouleau, l'Égyptien, que même l'émission terminée, il a gardé son intonation favorite en coulisses. Quand il s'approchait du bar, il est au serveur. Bonsoir, est-ce que je peux avoir une bière ? Tout le monde l'a regardé, c'était gênant. Un peu plus tard, après plusieurs bières, il était en train de nous parler. Il s'est arrêté d'un seul coup pour nous dire « Et maintenant, je vais aller pisser !» Après, il était se coucher. Il avait tout donné. Sur la scène, alors c'était super, c'était formidable, c'était fantastique. Une programmation hyper variée qui a mis tout le monde en joie. Et puis, n'ayons pas peur des mots, la joie a laissé place à la transe. Et c'est place à la transe quand il est arrivé et qu'il s'est mis à chanter. Il est où le bonhomme ? Christophe Maé, un gourou. Ouais. Un gourou, le gars. Au départ, j'étais là à me dire « Oh, ça me gonfle son message de bonheur à la con. » Et puis, il n'y a pas à dire, cette chanson, ça vous gagne. Hein. Autour de moi, les gens commençaient à bouger la tête, puis à se prendre la main. C'était beau. Non, parce que c'est vrai, il a raison, Christophe. Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est là, le bonheur ! Il est là, le bonheur, il est là, il est partout quand tu décides qu'il sera à côté de moi. À côté de moi, si tu veux, hein. Il peut être là. Le bonheur, c'est ta famille, c'est tes amis, c'est ta maison, c'est ton chien, c'est tes yaourts. Mais le bonheur, hier soir, c'était tout le zénith, merde. C'était mon voisin de Strapontin qui pue à la bière, c'était ma voisine de devant qui avait les cheveux sales. C'était ça, le bonheur aussi. Oh, il m'a tellement galvanisé, Christophe, j'ai pas pu me retenir. Je voulais ma part de bonheur à moi aussi. J'ai attrapé ma voisine cracra, je lui ai roulé une pelle. Il est là, le bonheur, coquine, essayais-je de lui dire sans mal, la langue pliée dans sa bouche. Quand elle m'a giflé, j'ai compris que son bonheur à elle, bon voilà, il n'était pas où était le mien, mais bon, pas de problème, meuf, nos soussailles. J'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai galoché comme un épagnol mon voisin qui sentait la bière, qui lui, croyez-moi, n'a pas boudé son plaisir, hein, à croire sa main droite, dont le GPS émotionnel indiquait la direction de ma fesse. Il était là, le bonheur, avec Christophe Maé et mon pote qui sentait la Cronenbourg comme une rouquine. À la fin de la chanson, tout le monde se roulait des pelles dans le zénith, c'était Woodstock, j'étais tellement hot, j'ai fini par faire l'amour avec Anne Romanoff. Quand j'ai réalisé que c'était elle, je suis retourné voir mon pote Cronenbourg. Je suis retourné le voir. Bah oui. Alors pourquoi Anne Romanoff, me demanderez-vous? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait plein de people invités hier soir. Et parmi eux, il y en avait un qui a mis une ambiance de ouf. Un vieux copain de Nagui, Jean-Marc Morandini, le cinéaste des sanitaires. En coulisses, il était en grande discussion avec le père Albert et puis ils ont disparu. Où était-il ? Chelou. Bonjour mon père. Bonjour Daniel. Vous êtes passé où hier soir avec Jean-Marc Morandini ? Nous sommes allés faire un tour aux douches. Pourquoi faire ? Jean-Marc avait une très grosse envie de filmer. Vous avez tourné quoi ? Oh, 3 fois rien. Il m'a demandé de me laver de façon lascive. Et après on a changé, c'est moi qui l'ai filmé. Et ça donne quoi le père Albert qui filme Jean-Marc Morandini sous la douche ? Oh, rien de méchant, rien d'osé. Juste une petite vidéo soft et sexy. Non. Allez, vas-y Jean-Marc, tu te mets tout nu et savonne. Vas-y, savonne-toi mon grand. Comme ça mon père ? Oui, c'est bien mon grand. Tu te savonnes très bien. Allez, maintenant tu lèves les bras au ciel, oui. Et tu sautes en l'air. Oui, comme ça, saute en l'air. Oui, et maintenant ? Et maintenant ? Maintenant tu te rinces, petit salaud. Allez, vas-y, rince-toi fort. Oui, comme ça ? Oui, mais ferme-la, arrête de parler. Allez, allonge-toi sur le carrelage. Allonge-toi et tortille. Tortille comment ? Tortille, et ferme-la, bon Dieu. Oh, ce que tu tortilles bien, mon lutin. Ça vous plaît, mon père ? Oh, tu me rends dingue. Tu es l'image de la tentation. Tu es gaulé comme le diable. Oh, merci. Allez, ressamonne-toi maintenant, vas-y. Champigne-toi aussi. Vas-y, fais mousser. Et après ? Et après, il est beaucoup trop tôt pour que j'en parle sur France Inter. Ah oui, j'imagine. Oh non! Tu es loin d'imaginer. Merci mon père, allez, vive Christophe Maé. Merci Hébert, merci Daniel. La bande originale. Au-delà de la blague, je voulais juste dire que, je dois le reconnaître, Christophe Maé a mis le feu hier aux Zénith. C'est vrai, non, ouais, c'est absolument, ouais, absolument, ouais, ouais. Impressionnant. Bon, voici le brouillon de culture de Leïla Kader-Houdani. Spécial Daniel Herrero, Daniel Picoudi. Oui, Daniel, je vous sors de la promo. Un petit bol d'air, c'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un son pour vous, Daniel Picoudi. Bien, voyons ce qu'il y a au menu de l'émission de ce soir. Alors, nos mémoires du Zing seront consacrées à Samuel Benchetrit pour son roman Le cœur en dehors. Notre polémique Mac, on reviendra sur l'affaire qui a entouré la sortie du roman de Frédéric Becbédé, un roman français. Fadela Amara, la secrétaire d'État à la ville. C'est le sommaire d'un café Picoudi, une émission que vous avez animée de 2005 à 2011, une émission que j'aimais beaucoup. Encore le café. Et ouais, encore le café au lait Picoudi. Il y a Picoudi pour faire le lait. La télé, c'est un médium important pour le passeur que vous êtes. C'est un lieu stratégique. Comment est-ce qu'on fait de la culture à la télé? On essaie de se rappeler le môme qu'on était. Moi, j'étais un môme dans mes cités, dans mon HLM. Et moi, ma plus belle université était la télévision de l'époque. Mmh. C'était du noir et blanc. C'était aussi, ça allait de Santelli jusqu'à... Toutes ces émissions qui moi, m'ont fait. Et quand je fais de la télévision, je pense à ce petit gamin qu'il y a quelque part dans les cités, qui va regarder ça et qui va peut-être se dire, tiens, c'est peut-être possible un jour pour moi. C'est tout ce qu'on peut faire et c'est déjà beaucoup. Et pas prendre les gens qui nous regardent pour des cons. Non, surtout. Ouais, non, surtout pas. À votre tour, Daniel Herrero, un son pour vous. L'Espagne, qui a perdu ses emplois et son triple A, s'enfonce dans la crise. Mais quand viennent les grandes compétitions sportives, c'est tout un peuple qui peut bomber le torse, tant l'Espagne truste les médailles. Ah, cet accent! C'est le début du documentaire sur le sport en Espagne dans la série Les Nouveaux Explorateurs, diffusée sur Canal. Un film, une collection sur le sport, incarné par un certain Manuel Herrero, le fiston. Oui, c'est mon grand garçon, je dirais, qui a arpenté les différents lieux de la Terre sur le thème des sports, des pratiques ancestrales, comme ça. La tradition perdure, il y a une forme de filiation évidente. Ça vous touche, hein, vous êtes ému. Oui, incontestablement, oui. Je trouve dans son trajet, comme ça, le goût d'ailleurs, le goût de la rencontre, le goût de l'échange, la pratique sportive quand même comme plutôt une œuvre d'art de la vie, plus que comme un seul exutoire physique, quoi, voilà. Et en même temps, une capacité à faire en sorte qu'il y a encore quelque chose de beau à aller voir là-bas. Quoi. C'est raconter la société à travers le sport, c'est un très beau prisme, c'est un prisme que vous pouvez utiliser, que votre fils utilise dans cette collection. Vous pensez quoi par exemple de la couverture des Jeux Paralympiques, de ces événements comme ça? Est-ce que je me dis que c'est toujours aussi une façon de regarder notre société, notre avancée, notre façon de considérer l'autre? Je suis très enthousiaste à l'idée d'abord que les Jeux Paralympiques existent, qu'ils soient télévisés et qu'ils aient un rayonnement mondial. On voit bien qu'en comparaison des grands Jeux, il y a une souffrance, je sais pas qu'il y a une déconsidération, mais je suis sensible au fait que l'on est comme ça. Pardon. En permanence sous les yeux. Non, c'est tout fait clocher. C'est pas moi pour une fois. Non. Regarde cette montre, Nagui. Je suis désolé. Merci de nous montrer les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, c'est sublime de fait. C'est incroyable. C'est sublime. Je peux juste dire un petit truc. Les mentalités ont évolué parce que il y a plus de 20 ans en arrière, j'avais proposé à Canal+ de retransmettre. Je leur avais dit, mais faites-le. Ils t'avaient dit les pires. Je dirais pas les noms, mais ils m'ont dit non parce que c'est en fait c'était pas accepté à l'époque et aujourd'hui ça a quand même beaucoup évolué. C'est un bourricot qui a des cheminements MD. Tranquilles sur le... un bourricot. Tout à l'heure, je tiens à préciser, je l'ai déjà dit, mais bon, faut le répéter parce que c'est important de le dire pour l'inauguration, pour la cérémonie d'ouverture. Un des responsables n'est pas venu. Est pas venu à la cérémonie. Un des responsables du CIO n'est pas venu. C'est dire qu'il y a encore un traitement différent. Et pour finir, mon conseil culture, c'est une revue trimestrielle lancée en janvier 2016. Elle s'appelle Relief. C'est entre un livre et un magazine. Les textes sont sont des longs formats écrits non pas par des journalistes, mais par des spécialistes, des historiens, des écrivains, des explorateurs. Les thèmes abordés, ça peut être de la littérature, des sciences, de la géographie, des arts. Et là, je vous offre le numéro 2, Tropique, et le numéro 3, Pôle. Le quatrième opus est à paraître en novembre. Il va s'appeler Galaxie. Et c'est une revue, l'illustration, elle est magnifique. C'est là, toute la pagination, c'est plus qu'une revue, c'est un livre à part entière et c'est magnifique. Et il y a un entretien avec un homme extraordinaire, c'est Jean Mallory, géant chez les Inuits, extraordinaire. Et dans chaque numéro, vous allez voir, il y a une part vraiment très très élégante sur la littérature, des invités de choix, des belles interviews, des beaux récits, c'est un vrai coup de cœur cette revue, et Relief. Il y a ce qu'on appelle une belle main, c'est-à-dire quand tu prends en main, belle couverture. C'est-à-dire, on le fait à chaque fois, le toucher d'un livre, c'est extrêmement important. Et Daniel veut aussi faire un conseil. Alors attention les amis, d'ici deux semaines, c'est la sortie mondiale du dictionnaire amoureux de Tintin chez Plon et c'est signé Albert Algou. Oui. Oh, ça c'est gentil. Et c'est si gentil. Il s'y connaît. Et on en reparlera. Les bonnes vibrations. Ouais. Musique dans cette émission, dans cette bande originale, la bande originale de votre matinée. Il faut qu'on se batte. Gérard de Palmas. Il faut qu'on se venge à grands coups de latte. Ou à l'arme blanche, c'est dans nos chaînes, ça nous démange, il faut qu'on se batte. Sur l'album, il y a également Rose pleure, toutes les larmes de son corps. Rose pleure, encore, encore. Ou le jour de nos fiançailles. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Il est en tournée pendant tout le mois de novembre. Toutes les dates sont sur le site de l'émission. Et puis les... toujours le côté climax est très parisien, c'est notre défaut. Les dates du 25 novembre à la Cigale, c'est déjà complet. Il reste quelques places pour les Olympiades du 3 et 4 mars. Mais sinon, il passe par Bordeaux, Toulouse, Clermont, Lyon, Aix, Lille, Évry, Tours, Amiens. Bref, allez voir. Et comme l'a précisé tout à l'heure, c'est important de découvrir un artiste sur scène et en live. Voici De Palmas, le retour. Elle danse seule. Perdu seul à l'autre bout du monde, je tue le temps seconde après seconde. Je n'attends rien du hasard. Je sais qu'elle vient ici tous les soirs. Elle danse seule. Éphémère et légère, j'oublie tout. Mon passé et mes misères, elle danse seule, seule. Et je trime toute la journée. Je trime pour ne pas penser. J'ai quitté les miens depuis si longtemps. Quand la nuit vient, je m'enivre et j'attends. Elle danse seule, éphémère et légère. J'oublie. Passé et mes misères, elle danse seule, seule. Mais je ne sais rien de sa vie. C'est certainement mieux ainsi. Elle sourit souvent mais parle peu. ça suffit à me rendre heureux. La beauté du geste, c'est le nom de l'album de Gérald de Palmas en tournée, et La beauté des mots, ce pourrait être le sous-titre des mots que j'aime, chez Le Goût des mots, éditions Point. Merci Daniel Hérault, merci Daniel Piccoli, passez une très bonne journée. Encore mille excuses pour cette voix pourrie que je vous ai offerte dans cette émission. Vous allez comprendre ce que c'est qu'une belle voix de radio avec Philippe Bertrand. Bonjour Philippe. Salut Nagui, bonjour tout le monde. Mais à peine. Il est 13h sur France Inter, le journal Bruno Duc. Salut. On est en retard, pardon. Ouais. Bonne émission. Et bonjour au Daniel. Trois Daniels sur le même plateau. Belle brochette de Gaulois. Ah ouais. Amis du jour, bonjour. Ouais. Mon aïeul est gitane aussi. Salut les amis. Ciao, merci. La vraie question, c'est de poser la bonne question. À votre avis, ce qui est en train de se passer, est-ce que ça change la donne? Pour obtenir des réponses... On est bien obligé de débattre. Quitte à répéter la question. Vous n'avez pas de doute là-dessus? J'allais poser la question. Ben oui. Caroline Roux et Bruce Toussaint ont des questions pour leurs experts. C'est dans l'air, du lundi au samedi, en direct à 17h45, sur France 5. Insolite. Vous avez dit insolite? Cette saison, à la Maison de la Radio et dans l'Auditorium, visitez Métropolis. Chantez sur des airs de flamenco. Vivez un spectacle de marionnettes. Explorez le Livre de la Jungle ou jouez avec le National. Des concerts insolites. À découvrir sur maisondelaradio.fr. Des concerts et spectacles pour tous et pour vous surprendre. Rendez-vous les 1er et 2 octobre à 16h avec l'Orchestre Philharmonique et la Compagnie de Marionnettes Perpok pour découvrir l'histoire de Petrushka d'Igor Stravinsky. Radio France, faites le sport et vous invite à la 2e édition de Vertigo. Une grande course verticale à la Maison de la Radio. Dimanche 25 septembre, oubliez l'ascenseur et venez gravir les étages en un temps record. Un défi sportif et ludique, ouvert à tous. Vertigo. Affrontez les 70 mètres, 22 étages et 365 marches de la célèbre tour de la Maison de la Radio à Paris. Vertigo. Avec Gautier, fabricant français de mobilier contemporain, à découvrir dans nos magasins et sur gautier.fr. Vertigo. Toutes les inscriptions seront reversées à l'ONG Play International pour l'éducation et l'accompagnement par le sport. Inscrivez-vous dès maintenant sur vertigomaisondelaradio.org. vertigomaisondelaradio.org.